Paris s'endort. Et par les rues, les champs déserts, toute la ville perd le nord dans une sieste à ciel ouvert. Avec le cœur qui tambourine, je revois derrière mes paupières le chemin blanc vers les collines et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je retrouve le rouge de ma flamme et sous le voile d'une moustiquaire, le visage en sueur d'une femme, ma femme d'aujourd'hui et d'hier. La glu, les noyaux d'abricot, le bruit du thé dans les théières, la danse de nuit des lampadaires, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je reprends le premier chewing-gum d'un Américain sur son temps, l'école, l'encre bleue et les gommes, les mercredis soirs de pétanque. Et je retrouve au fond de moi le chant léger des lavandières, la blancheur des draps d'autrefois, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges.